Assassin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices, d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylvain. Salut Monsieur Scream. En forme? Super bien, ouais. Bien remise? Ouais, ça va. Voilà. On fait un petit coucou à notre slasher qui est en train de se faire bronzer. Enfin, on ne sait pas s'il se fait bronzer avec le temps qu'on a du côté coccide, mais bon. Ah non, il fait beau, c'est nickel, 40 degrés. Ouais. Et en plus, je lui ai envoyé un message, debout les crabes, la mer monte. C'est un titre d'un film aussi. Voilà, alors aujourd'hui, ben, on a des invités, hein. On va les présenter d'ici quelques minutes. On a Bart et sa famille, la famille du Helsin. Ils vont venir un peu nous parler de leur travail qui est vraiment superbe, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ouais, super Helsin, super magazine, très bien fait, très bien construit, oui. Super belle toff. Et on a donc les deux photographes et aussi des intervieweurs et aussi intervieweuses. Uh-huh. Voilà. Et on a aussi Bart qui est le fondateur. Tout à fait. D'usine. Donc voilà, après une page musicale, on va les présenter. Ils vont se présenter, hein, voilà. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Malheureusement, on s'excuse pour la rediffusion vidéo. On essaie de pallier à ça. Ouais, il y a un petit problème internet ce soir. Intersexe. Ouais, voilà. Voilà. Mais bon, normalement, ça va démarrer, hein, on espère. Ça a failli il y a 2 minutes 50. Donc, dès que c'est fait, vous verrez, on vous enverra un petit message et vous pourrez leur poser des questions en direct. En plus, ils étaient avec nous au Lockers Festen. Donc, on pourra un petit peu parler aussi du Lockers Festen, qui est un très bon festival. Et Vaken a été au Vaken. Et oui, il nous racontera un petit peu. Il nous racontera en live ça. Ses péripéties, oui. Et ses joies. Voilà. Et ses peines. Et puis après, ses châteaux de boue. Mais ça, il nous expliquera pourquoi. Alors, on va d'abord s'écouter quelque chose de calme, de sage. On va s'écouter Beige avec The Game. Et on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. Voilà, musique de barré pour débarrer, Beige avec The Game. Franchement, c'est pas mal l'album, je vous le conseille. Alors voilà, il est l'heure de les présenter. Hein. Ben, on va d'abord les laisser se présenter eux-mêmes. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, allez-y, porte est ouverte. Ouais. Honneur aux dames, donc, et en même temps, chacun, vous allez nous parler un peu de vos fonctions au sein du Alzine d'abord. Donc, vas-y, nous sommes tout de suite. Je te laisse te présenter, Isabelle. Ben, bonsoir à tous. Et donc, moi, dans le Alzine, je m'occupe principalement des interviews, des photos, et avant, je m'occupais de la mise en page. Ok. Ouais, et elle s'occupe aussi de me supporter parce que j'ai un caractère bien marqué, bien chiant. Donc, voilà. Donc, Mais c'est qui parle là ? Ben, c'est celui qui est au micro. Hein. En plus, ben, voilà, c'est Bart. Donc je voudrais rectifier quand même, tout à l'heure, tu as dit que j'étais le fondateur du Alzine. Je ne suis pas d'accord, vu que ben, on l'a fondé, Isabelle et moi, et Phil, qui n'est plus avec nous maintenant. Voilà, donc c'est du travail d'équipe, c'est pas le travail de Bart. Mais c'est vraiment, chacun met sa pierre à l'édifice, et sans la pierre de chacun, on n'avance pas sur un projet aussi gros que ça. Quoi. D'accord. Alors après, on a le jeune homme qui n'aime pas trop parler. On a essayé de le faire venir plusieurs fois ici en studio d'abord. Et c'est ? Ouais. C'est ouais. C'est vrai. Je m'appelle ouais. Je m'appelle Waken. Alors moi, je suis photographe et en même temps, je fais de la promotion dans le nord de la France. Mmh. Chez les ch'tis biloutes. Chez les ch'tis, ouais. Bah, on se croise souvent, n'est-ce pas, Sylvain ? J'essaye d'avoir des contacts pour faire connaître le Alzine. On dirait que c'est intimidant là, d'être devant lui. Non, c'est pas intimidant. Non, avec le week-end, le week-end que j'ai passé. Au week-end. Voilà. Alors, ça s'explique. Val, on commence déjà à les saucissonner ? Ouais, vas-y. Allez. Pourquoi l'idée de créer, Isabelle, Phil, qui n'est pas là, et toi, Bart, un zine ? Est-ce qu'il y avait de la demande ou tout simplement pour dire, ben voilà, on va faire un peu quelque chose de notre côté pour faire plaisir à la scène métal en général ? En fait, on n'avait pas l'intention de faire un magazine du tout, donc ça fait, moi de mon côté, une vingtaine d'années que j'organise, et Isabelle a rejoint l'équipe il y a environ 5 ans, voilà, ouais, hein, donc 10 ans déjà, 10 ans, waouh, que le temps passe vite. Phil, 2008. 2008, ah ben voilà, donc presque 10 ans, voilà, et donc voilà, et donc on a décidé de mettre les choses, de faire les choses officiellement, donc pas par un mariage, mais par la création d'une ASBL, hein, donc non, Isabelle n'est pas ma femme, parce que tout le monde me demande en concert, c'est ta femme, non. On connaît la chose. Voilà, oui. Donc... donc voilà, donc on a décidé de créer une ASBL et de faire pas mal d'événements. Donc avant on faisait que du métal et là on a décidé de faire plein de choses. Et beaucoup de gens nous disaient, mais écoute Bart, tu sors beaucoup, tu voyages beaucoup, tu veux pas prendre les flyers si aller à tel endroit avec. Ouais, ok. Et j'arrivais en concert à dire, je peux déposer quelques flyers à l'entrée. On disait gentiment oui, et puis ils regrettaient parce qu'ils voyaient que je déposais 10 sortes de flyers différentes. Et donc l'idée est venue de regrouper tout ça sur un seul flyzine, donc un petit livret A5 qui comportait 20-30 flyers. Voilà, et donc et on a des potes qui nous ont dit, ouais, c'est chouette, après tu vas faire des reviews, des interviews, et on va enfin avoir notre magazine. Ouais, franchement, je me suis dit, ouais, allez, c'est ça, allez, dégage. Et on s'y est pris au jeu. On a d'abord commencé par des interviews de potes comme Coma, Inner Fire ou des choses ainsi, des groupes de notre région. Et puis voilà, donc et puis dans les pubs, les labels nous ont dit, nous ça nous intéresse pas de mettre de la pub chez toi si on n'a pas d'interview, est-ce que tu veux pas faire ci, si tu veux pas faire là. Et voilà, petit à petit le Flyzine est devenu un vrai magazine qu'on peut maintenant trouver comment ? Dans les bonnes boucheries. Ouais, dans les bonnes boucheries, ouais, tu parles un vegan, attention comme tu parles. Je vais partir en courant, hein. Il y a saucissonné, hein, s'il te plaît bien. Donc voilà, donc on évolue à chaque numéro, donc on est assez fiers du parcours fait en si peu de temps, mais en même temps, voilà, j'insiste beaucoup parce que c'est souvent à Isa qu'on fait ce type de remarque. Waouh, c'est trop cool, tu rencontres des groupes, c'est génial, t'as trop de la chance. Ben ouais, mais pendant que la plupart des gens écoutent les disques chez eux, reposés dans leur lit, dans le fauteuil ou pas, ben Isa, elle travaille la moitié de la nuit pour réaliser autant d'interviews, autant de reports et autres. Et donc, il faut savoir que c'est quand même énormément, énormément de travail. Et là, on peut parler aussi, nous, par expérience. Hein, on a aussi des gens qui jalousent un peu notre style de média, aussi bien en radio que toi en zine. Parce que, comme tu disais, ouais, on a la chance, on rencontre des artistes. Justement, on est en train de parler de ça. On est en VIP et il y en a la moitié des gens qui se disent ben, ils sont en VIP avec des artistes. Et c'est carrément faux. On n'est pas 24 sur 24 avec des artistes quand on est en backstage ou quoi. C'est ça que les gens doivent se rendre compte aussi. Hein. Oui, et puis. Écoute, j'ai envie de comparer ça. Là, Maurice va être content, mais j'ai entendu une fois une interview d'une star du porno qui disait, tout le monde lui disait, waouh, c'est trop génial ce que tu fais. Elle disait, ouais, mais moi, quand j'ai la chiasse, je dois quand même faire semblant de prendre mon pied. Et donc, donc voilà, j'ai envie de comparer ça un peu. Mais il y a des jours, on reçoit des trucs qu'on n'aime pas forcément. On va couvrir des concerts qu'on n'aime pas forcément, et on est content de le faire. Effectivement, ça paye moins bien que l'usine, mais c'est vachement plus passionnant. Mais on fait aussi, il y a aussi des choses qu'on n'a pas envie de faire. On peut demander à Isa, il y a plein de trucs, quoi, des moments où on est super débordé, on a aussi envie d'avoir une vie de famille, envie d'avoir des moments à nous. Et la semaine prochaine, le prochain Elzine sort, et donc t'as encore 20 heures de boulot alors qu'il reste que 2 jours. Voilà, et tu le fais, voilà. Et tu fais parfois, effectivement, des groupes que tu n'aimes pas forcément. Forcément, parce que voilà, quelqu'un dans l'équipe est parti en vacances ou un désistement ou autre, et donc voilà, c'est pas que du plaisir, mais globalement, ça nous fait plaisir de le faire, quoi. Voilà, Oui. Tout à l'heure, on parlait justement le Elzine, donc il y a aussi les gens qui travaillent à côté. Vous êtes combien à travailler dans le Elzine, plus ou moins? Maintenant, on va pas demander un chiffre près, hein. Ils prennent. Elle va compter. Elle va compter, donc. Bah ça évolue à chaque fois. Donc, on a des gens qui viennent, des gens qui partent. Il y a des gens qui s'investissent beaucoup, des gens qui s'investissent moyennement. Donc, nous, dans la grande, grande, grande équipe, on est environ 40, mais on va dire, on est 10, 13 actifs, quoi. Donc, et dans les 10 très actifs, il y en a vraiment 4 qui sont hyper actifs. Ouais, même peut-être des fois trop actifs. À mon avis, il y en a qui ne dorment même pas, quoi. Ou alors ils se mettent des poutrelles, tu vois, pour tenir les paupières bien grandes ouvertes. Tu peux donner des noms, s'il te plaît, parce que Isabelle voudrait savoir de qui tu parles. Non, mais on se connaît, on se voit. D'ailleurs, je me demande comment il y en a qui le font, parce que c'est short. Parce qu'en plus, faut pas croire, la musique aussi, ça nous abrutit à la fin, on en a marre, quoi. Non, ça n'arrive pas là. J'en ai jamais assez. T'en as jamais assez? Non, jamais assez. Donc, vous êtes combien alors? T'as compté, Isa? Ben, on est une vingtaine. Hein. Une vingtaine? Ouais. Et justement, est-ce que chacun a des chroniques bien spécifiques? Est-ce que maintenant, par exemple, Isa pourrait chroniquer, par exemple, du black ou du prog? Ou est-ce qu'il y a des gens qui travaillent plus pour le prog, d'autres pour le black metal, d'autres pour le FM ou est-ce que tout le monde se mélange un petit peu pour essayer de faire quelque chose? Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Soit on fonctionne par préférence, ou alors par... je vais pas dire par obligation, mais... Mais à un moment donné, il faut trancher. Voilà. Donc, J'ai à chroniquer un album de black, je vais le faire. Même si c'est pas mon domaine de prédilection. Ou sinon, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de coupler telle interview avec la chronique. Ouais. Donc, par exemple, si j'interview Arch Enemy, je vais faire la chronique d'Arch Enemy, et ainsi de suite. D'accord. Ok. Val. Oui. Mal dormi. Toujours. moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites un peu pour trouver la présentation de votre couverture. C'est toujours une grande star en général. Comme là, ce mois-ci, c'est Alice Cooper. Le mois précédent, si je ne m'abuse, c'était Deep Purple. Oui. D'où ça vient vos idées? Ça vient d'une personne ou de... Bah, de toute l'équipe, je suppose, vu que vous fonctionnez en équipe. Bon, on fonctionne en équipe, mais c'est vrai que j'essaie de coordonner pas mal de choses. Donc, faut savoir que on apprend le métier de journaliste métal. Et donc, c'est-à-dire que ben, quand on a commencé, on travaillait uniquement au coup de cœur. Et puis, je dis pas que on a plus de coup de cœur ici sur nos interviews, sur nos pochettes, mais on essaie de suivre aussi l'actualité. Donc, on essaye aussi de suivre les demandes de chacun. Donc, les demandes aussi des labels qui travaillent avec nous. Donc, c'est important. Donc, voilà. Donc, c'est une grosse passion, mais ça reste quelque part. Et ça, je sais bien que sur la scène métal, ça choque de dire ça, mais. Derrière chaque numéro, il y a une part de business aussi. Donc, c'est-à-dire que les maisons de disques, ben, pour qu'on puisse continuer à chroniquer leur album, ben, ils ont des attentes. Eux, ils ont des chiffres, ils ont des rentrées financières à respecter. Et donc voilà. Donc, c'est à nous à jongler aussi avec essayer de faire plaisir à tout le monde et nous y retrouver entre ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire. Voilà, donc là ici c'est grosse pointure, mais nos 4 ou 5 premiers numéros avaient quand même mis l'accent fort sur les groupes belges, et pas parce qu'on n'avait pas eu d'interview de plus gros groupes, mais parce qu'on voulait insister sur notre scène locale qui est importante. Dans le Zine 11 qui sortira en novembre, on fera un article 12 pages sur la scène belge. Donc ça, il n'y a personne qui nous l'oblige. On a envie de le faire, voilà. Donc ça, c'est important pour nous. Maintenant, ben voilà, on se cache pas, on le cache pas. Ben voilà, les labels ont besoin de visibilité. Et voilà. Et donc, comme finalement, c'est eux qui financent ce magazine, parce que plein de gens se disent, ben ouais, c'est bien, c'est super, il est gratuit. Ben voilà, il y a beaucoup d'encarts publicitaires et c'est ça qui finance le Elzine. Donc ça reste des partenaires et on doit être à l'écoute des partenaires et être à l'écoute aussi des groupes de notre région qui ont aussi certaines attentes. Et donc voilà comment on fonctionne. Mais c'est pas évident de choisir quel artiste on fera, quoi. Voilà, on a parfois des gens qui nous disent, mais écoute, je donne pas de nom, je donne pas de label, mais on est prêt à mettre autant d'argent pour que ça soit tel artiste en cover. Si l'artiste il nous parle pas, ben il nous parle pas, quoi. Voilà, donc on va pas se laisser mener par la carotte de l'argent, c'est pas notre objectif. Mais bon, voilà, si on sait faire plaisir au label et lui dire, bah, écoute, nous l'artiste que tu nous proposes, il nous botte pas du tout, c'est pas dans l'esprit du Elzine, mais par contre, regarde, il y a peut-être un groupe là de ton label qui est un peu moins connu, qui est pas ta priorité, mais elle peut être la nôtre, quoi. Ok. Donc voilà. Voilà, donc on va se retrouver à avoir une page musicale juste là, parce que c'est le numéro 10 qui va sortir, et il y a une petite surprise dans le numéro 10, hein. Oui, en fait, donc c'est pas qui va sortir, mais qui est sorti. Donc il est sorti hier, le Elzine. Voilà. C'est pas le 8? Ah non, c'était le 6. Ah, excuse-moi, bon, tu vois, voilà, je suis encore décalé, moi. Le 6 du 8. Ah ben, voilà, tu vois, il y avait un 8 dedans. Il y avait un 8. Effectivement. Hein. Donc il est sorti hier, et donc pour la première fois, donc le Elzine comporte non seulement deux posters, mais ça, on s'en fout quand on passe à la radio, mais aussi deux CD, dont l'excellent single de Drakkar. J'espère tu vas nous faire découvrir. Ben voilà, donc on va s'écouter donc le Drakkar avec le titre. Ben, je vais laisser annoncer à Isabelle parce qu'elle est allez, vas-y. Donc c'est It Chicken of Pain. Voilà, c'est bon, j'ai pris ta place, Isa. C'est parti. Merci. Tears. Your heart was a neighbor. Be ready to die. Voilà, donc c'était les Drakkar qui figurent donc dans le Hellsinn numéro 10 qui est sorti depuis le 6 du 8. Donc hier. Voilà, donc hier. Mais bon, hier on faisait autre chose. Hier. On faisait autre chose. En plus, je suis content, j'ai vu Kiko à propos. Ouais, j'ai bien, tu nous l'as dit. Alors, donc c'était Eat Chicken of Pain. L'album doit être monstrueux. Voilà. C'est connaissant mes amis de Drakkar. Ils seront bientôt ici en studio pour nous parler un petit peu de leur bébé qui viennent d'accoucher après autant de mois. Voilà. Qui sortira en septembre. Voilà, ils seront ici. Ils vont encore tout nous retourner comme d'habitude. Quoi. Voilà. Alors là, ma question va s'adresser à Vaken et à Isa, donc deux photographes. D'abord, j'ai posé la question à Vaken parce que je vois plus souvent Kiza en concert, parce que lui, il traîne un peu sa bosse un peu partout dans le Nord, et nous, on est souvent dans le Nord, moins que... Pardon. En Belgique, je vais y passer, comme d'habitude. Quand tu dois prendre une photo de scène d'un artiste, sur quoi te bases-tu de ta propre expérience, ou plutôt en écoutant la musique, en écoutant un album par exemple, comme moi je fais quand je réalise mes photos, je me base sur le rythme de la musique. En écoutant la chanson, je sais très bien peut-être qu'à un moment donné il va changer de rythme, donc il va changer de position sur sa posture ou quoi. Comment te bases-tu sur justement ton cliché? Est-ce que c'est à force d'habitude ou au feeling? Vous voulez bien répéter la question? c'est un peu long, c'est un peu long, je sais, mais moi c'est comme ça que je me base pour mes photos, quoi. Non, par rapport à la lumière surtout. Oui. Après, si je connais la chanson, comme je fais beaucoup de photos, beaucoup de concerts, et que je retombe toujours sur le même groupe, je sais apparemment qu'est-ce qui va se passer dans telle position, enfin. Voilà. Ouais. Donc tu fonctionnes un peu musicalement aussi, quoi. Beaucoup. Voilà, comme moi je prends l'exemple hier avec Megadeth, qui est mon groupe fétiche. Je sais bien que quand ils partent en solo, ben Dave Mustaine, il doit caler sa gratte entre ses jambes. N'imaginez pas des choses, les amis. Et ben il a beaucoup moins de possibilités de bouger, donc c'est plus facile de le shooter, quoi. Par contre Kiko, ben moi je suis très mec qui hoche sa tête de gauche à droite, quoi. C'est donc... jamais évident de bien bouger quand on a un gros manche entre les jambes. Ça c'est oui, voilà pourquoi pas. Et toi Isa, comment? Voilà, par exemple, justement, on a discuté hier, justement, au Locker Sofesten. Ouais. Je dis, on est bien mis face à la scène. Mm-hmm. Et tu m'as dit, non, moi, je préfère être de côté, quoi, tu vois. Donc, chacun a ses positions, encore une fois, on en revient. Hein. Manche, position, voilà, c'est vraiment bizarre comme conversation. Mais, comment te bases-tu, toi, sur tes shoots? Déjà, bravo pour la question. mais je rejoins Wacken sur la lumière, c'est le premier truc... Qu'on va repérer, voir un peu comment ça se passe, l'éclairage, la fumée, etc. Et aussi se positionner par rapport aux autres photographes, s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup. Hier, au Locker Surface, c'était vraiment très, très particulier, parce que c'était un peu en triangle comme ça, tu vois de quoi je parle. Et du coup, là, c'était un petit peu stressant. Et en général, personnellement, comme on a en général trois chansons à shooter, c'est sur la dernière où je me sens plus à l'aise, où je commence à avoir des bons résultats. Ouais, ça va, parce qu'au Wacken, c'est une minute, hein. Une minute. Ah oui, une minute. Ouais, donc voilà, tu peux venir du côté du Hellfest, t'as quand même une chanson. Non. Mais donc pour voilà. Les gros, hein. Je parle bien pour les gros. Mais même, regarde, là, on prend l'exemple hier de Marilyn Manson, c'était une chanson. Le plus généreux, quand même, ça a été quand même notre amie Alice qui nous a accordé quatre chansons. Avec Flash. Avec Flash, mais bon, moi, j'ai même pas utilisé le Flash et franchement, mes photos, elles sont superbes. Je tiens à remercier aussi ce monsieur qui est super humble et qui n'en a rien à foutre de mettre des éclairages pour pourrir le travail des photographes. Parce que quand on voit le résultat des photos d'Alice Cooper, le light était aussi pour nous, photographes. Quoi. Ouais. Voilà. Justement, question, et là ça rejoint un peu vous trois. Vous shootez un concert, généralement on shoot entre 200-300 photos, si pas plus, des fois, tout dépend de voir comment on se laisse aller. C'est pas trop dur de dire, j'ai envie que celle-là figure, mais je sais pas la vie des autres. Est-ce que vous vous réunissez autour d'une photo, ou est-ce que vous envoyez pas les photos à Pierre ou Paul en disant, essaye un peu de m'aider, j'hésite entre telle ou telle photo, ou est-ce que vous laissez parler votre cœur? Personnellement, non, je me débrouille toute seule, entre guillemets. J'en choisis une et puis... Enfin, je pense pas hein, que je t'ai déjà demandé Sur le choix des photos, non. Mais parfois sur des festivals, je vais lui dire... Si on se partage en fait que j'ai fait l'article et qu'elle fait la photo, ben, je vais lui dire, écoute, moi vraiment mon coup de cœur, ça a été tel artiste. Donc ça serait bien en fait d'y retrouver une photo de cet artiste, quoi. Voilà. Même si au niveau des photos, c'est peut-être ce qui a été moins bien en fait, parce que parfois des artistes ont fait un show phénoménal, mais les photos qui en ressortent ne sont pas top, alors qu'un artiste qui a fait un show moins bien, ben oui, il peut y avoir la lumière, il peut y avoir la position, s'il y a eu trop de photographes, enfin, comme elle a dit. Donc voilà, c'est le travail entre nous, à savoir, ben voilà, quel groupe on va mettre en photo. Mais après, le choix des photos, je laisse faire aux photographes, parce que je suis pas photographe et je vais pas rentrer dans leur travail. Chacun son taf, quoi. Et toi ouais, Maurice, ouais, pareil. Mm-hmm. Pareil, chacun a son... Son feeling et son voilà, choix de photo, quoi. Fait, voilà. Val. En question. Ouais, moi, one question. J'ai encore une question. Ouais, enfin, j'en ai plein, on va dire. Là, je suis en train de regarder l'avant-dernière page. Donc là, je suis à l'agenda. L'agenda, donc j'ai Belgique, Luxembourg, France, Suisse, Québec et autres. Donc je suppose que le Helsing est distribué dans tous ces pays. Pas dans les autres. Dans les autres, ça c'est les concerts qu'on va couvrir et donc ils nous demandent d'apparaître dans l'agenda malgré qu'on ne distribue pas le Helsing sur place. Par contre, tous les pays francophones que tu viens de me citer, donc la Belgique, la France, le Luxembourg, le Québec... La Suisse, on distribue là-bas, effectivement. Mais on fait pas que distribuer, donc on n'est pas. Je considère pas le Helsing comme un magazine belge qui est distribué dans d'autres pays, mais je considère le magazine comme un magazine francophone où chacun de l'endroit où il habite peut nous apporter la pierre à l'édifice. Donc c'est pas juste de la distribution, mais je vais parler du Canada parce que là on est vraiment très très loin. Il me dit Bart, écoute, là il y a des groupes terribles qui viennent de sortir, que ça soit sur un petit label ou même en démo, il faut absolument que ça soit dedans. Voilà, c'est important pour les Québécois d'avoir ça dedans. Et voilà, donc Maurice me dit la même chose plutôt sur les concerts. Il me dit, écoute, là ici on peut pas louper tel concert dans le nord de la France. Voilà, on n'est pas axé uniquement sur la francophonie belge. Donc on s'élargit vraiment. Voilà. Et donc, pour répondre simplement à la question, oui. Après, j'ai une autre question aussi. Il me semble que dans le Helsing, il y a aussi un système d'abonnement ou des places à gagner pour les gens. Si tu peux expliquer un peu comment ça se passe pour les auditeurs. Oui, parce que c'est pas encore très clair, en fait, on n'a pas encore beaucoup de retard, de retour à ce niveau-là, du retard, on n'en a pas eu non plus d'ailleurs. Donc ça c'est bien, il est bien sorti dans les temps. Donc beaucoup de gens nous disent, ouais, mais c'est bien gentil, mais pourquoi je vais m'abonner, moi, alors que ton magazine il est gratuit, on peut le trouver partout, et tu voudrais que je tape 25€ pour m'abonner, pourquoi? Ben parce que effectivement, le magazine arrive à vivre de lui-même avec les pubs. Malheureusement, pourtant j'ai eu souvent des rendez-vous avec le bureau de poste pas loin de chez moi. Ils veulent absolument pas que j'envoie les magazines sans mettre de timbre. Et donc je suis obligé de demander à la personne qui reçoit le magazine de payer les timbres. Et donc c'est juste ça. Donc l'abonnement couvre les frais de timbre et d'enveloppe. Voilà, donc il n'y a pas de bénéfice fait dessus, hein, donc c'est calculé un peu de façon globale, donc on a fait une moyenne, donc clairement on gagne un peu d'argent sur les envois en Belgique, mais on en perd énormément si on envoie le magazine comme je viens de faire en Suède, parce que la couverture avec Alice Cooper a réveillé quelques fans du groupe qui se sont dit « Waouh, on le veut !» Et donc là, on perd de l'argent en l'envoyant, mais on se dit « on est content qu'ils partent là-bas, quoi. » Alors, pour combler ça, on a des arrangements avec des salles, des partenariats, et donc on a des places, on a parfois des CD à faire gagner, et donc à la place de l'offrir on va dire bêtement aux gens qui nous le demandent, ben, on demande un petit abonnement. Et donc, ben, même si on ne gagne pas d'argent avec cet abonnement, ben, nous, ça nous fait plaisir de se dire, allez, voilà, on a encore quelques abonnés en plus. Ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour rien, il y a de la demande derrière, quoi. Tu vois, donc, et ça évite aussi, parce que tout au début, ben, il faut savoir que quand on dit que, par exemple, le LZ est distribué au MediaMarkt, il faut savoir qu'on va une fois au MediaMarkt déposé, et donc on en laisse, en fonction de ce qu'il souhaite, entre 10 et 25, et parfois ça part très vite, parfois le jour même, il n'y en a plus. Et donc les gens nous disent, ben, on est passé au MediaMarkt, il n'y en a plus. Ben alors, écoute, va dans un autre magasin ou abonne-toi, là tu seras sûr de l'avoir. On n'a pas le temps de... comme on est vraiment polyvalent et que ben, Isa fait les photos, elle faisait de la mise en page, elle fait les interviews, elle fait des reviews, chacun fait plusieurs choses, on n'a pas le temps d'aller réapprovisionner tout le temps. Voilà. Surtout si c'est pour avoir des retours après. On a un petit tirage comparé à de gros magazines. Là, ici, on a 3000 copies. Mais on peut se dire que les 3000 copies, elles sont écoulées. Voilà. Donc, ça, c'est la grosse différence qu'on a avec un magazine payant. C'est que un magazine payant qui est peut-être tiré à 15 000 exemplaires va se revoir 7 000 exemplaires de retour de magasin parce que c'est les invendus. Nous, on n'a pas d'invendus. Voilà. Donc voilà, donc je pense que la meilleure façon ben, pour nous soutenir et pas nous soutenir financièrement, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez faire un don, ça nous fera toujours plaisir, mais vraiment nous soutenir et dire, hé les mecs, ce que vous faites c'est bien, ben, c'est un petit abonnement, vous le recevez chez vous, généralement une semaine avant les autres, et encore quand on reçoit des CD de labels dans des petits nombres, souvent dans les colis, je les envoie et donc voilà, on n'est jamais perdant en fait, hein, voilà, et donc on peut gagner des places de concert et on le reçoit avant les autres, quoi, voilà. D'accord. Voilà, et ben on va continuer cette programmation musicale, même s'il n'est pas là, il m'a demandé quand même de passer sa slasher song, hein, vous savez bien, le slasher il est très accro sur sa petite slasher, hein. Et aujourd'hui, ben, il nous a choisi un petit Crowbar. Avec Cemetery in White, on va s'écouter sa petite slasher song et on se retrouve tout de suite après. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Yeah. Voilà, donc c'était la Slasher Song avec Crowbar, Cemetery in White. Voilà, même s'il n'est pas là, il nous fait toujours penser à lui. Il a toujours des choix un peu zarbi, c'est normal. C'est, on le connaît bien. Tous ceux qui le connaissent plus intimement que d'autres, c'est bien que c'est un petit zarbi. Petit zarbi deviendra grand, ça on en est sûr. Alors, on se retrouve donc pour le Hellzine. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui me demandent déjà, qui habitent en France, comment se le procurer? C'est des chantilliens, si je ne me trompe, c'est ça, oui, des chantilliens. On fait coucou à Annick, à Yannick, pardon, à Agnès, qui demande comment se le procurer du côté de Chantilly éventuellement. Bon, alors là, je vais m'adresser à Maurice parce que le côté France, moi, je suis désolé, mais la géographie et moi, ça fait deux et je suis désolé, hein, je ne vois pas où se situe la chantilly, donc. La chantilly sur les fraises. Dans, ça, dans une bonbonne, mais attention. Non, je rigole. Mais voilà, donc de ce côté-là, est-ce qu'il est possible de se le procurer, notamment? Chantilly, c'est de quel côté? C'est quand tu descends sur Paris, un peu avant le parc Astérix. Ouais. Ah ouais, non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il faut l'abonnement ou quelqu'un motivé qui nous écoute et qui se dit, je trouve sympa le magazine, je veux le recevoir une fois et puis je veux bien travailler avec eux, le distribuer sur Paris et là, bingo, tu es engagé mon grand. Voilà, attends, ils vont répondre parce que maintenant, bonne nouvelle, on passe en direct. Coucou les amis, voilà, on passe en direct, enfin c'est fait. Chantilliens. Voilà, c'est rétabli. On remercie aussi nos techniciens qui travaillent d'arrache-pied de chez eux. C'est bien, tu vois, c'est ça la magie du direct. Hein. Ouais. Donc voilà, s'ils veulent, ils peuvent se mettre en rapport avec toi. Hein. On donnera les coordonnées. Hors internet et hors antenne pour voir comment ils peuvent faire. Oui, ils envoient un mail à Elan Prod, hein, simplement, sur Facebook. Elzine.be, voilà, donc c'est tout simple, Elzine.be, et là vous avez une partie contact, vous cliquez et hop, ça arrive chez moi. Ouais. D'accord, dingue. Voilà. Alors, ma question est toute simple. Tout à l'heure, Sylvain vous posait la question, l'étranger, Québec et tout ça. Est-ce que, éventuellement, vous avez déjà pensé à travailler avec sur une version anglaise? On y a pensé tout au début, en fait. Parce que quand on a commencé à faire des interviews et qu'on distribuait le magazine dans les concerts, il faut dire que 80% des concerts qu'on faisait, ils sont en Flandre. Parce que, pour ceux qui connaissent bien la Belgique, logique, on est en Belgique, mais on n'écoutait pas que des Belges, je pense. Donc, il y a les francophones et il y a les Wallons, les Néerlandophones. Et la plupart des bons concerts se passent en Flandre. Et donc, des gens nous ont demandé, ça serait sympa d'avoir une version en néerlandais ou en anglais, au moins, pour pouvoir comprendre. On a réfléchi, puis on s'est dit... On est sur un créneau en fait où il n'y a pas de magazine papier en Wallonie, alors que la Flandre a de très bons magazines. Donc, je vais parler de Rock Tribune qui fait un super boulot en Flandre. Et donc, si c'est pour passer du temps à tout retraduire et finalement le sortir avec moins d'interviews, parce que finalement ça va prendre plus de place de le traduire, ou plus d'argent, ou plus de temps. Plus de temps, donc ça risque d'être compliqué. Et finalement, le lecteur francophone, il serait perdant, parce qu'on ne saurait plus le sortir tous les deux mois et demi, et avec autant d'interviews, mais il serait beaucoup moins riche. Et tout ça pour ouvrir à... s'ouvrir à des personnes qui ont déjà leur magazine chez eux. Donc, on s'est dit, on fait ça chez nous, quoi, pour nous, et finalement le territoire francophone est quand même bien large, et donc on a encore du boulot avant que tout le monde nous connaisse et tout le monde puisse nous lire. Donc on verra, peut-être que Isa d'ici quelques années ne dormira plus du tout et qu'elle aura envie de faire une version anglaise. Donc elle ne dort déjà plus que 2-3 heures par nuit. Mais ce qui me plairait, ce serait de réutiliser mes phonores et d'en faire des montages sonores pour le site internet. Ça, ce serait chouette, mais j'ai besoin de temps pour ça. Ouais. Et puis, du matos aussi. Ça, je peux te le garantir. Pour avoir une bonne qualité sonore, voilà. Justement, là, Yannick, comme je te disais, c'est du direct. Hein, maintenant, on passe en direct, il nous voit. Il envoie directement le mail, donc tu vas le recevoir incessamment sous peu pour justement savoir comment bosser avec vous. C'est bien, hein, voilà, c'est ça la magie d'Internet. Pour bosser avec nous, carrément. Bah, non, bah, pour bosser, pour être distributeur, pour essayer de cibler un peu là. Près de Paris, ça serait vraiment un chouette truc pour vous. Ah ouais, bah, ça me fait super plaisir, là. Voilà. Heureusement, il y a la table, parce que maintenant, c'est film et qu'on verrait mon érection augmenter de minute en minute. Mm. Je n'ai pas encore reçu ton mail, Yannick, c'est ça? Oui, Yannick. Non, Yannick. Mm. Donc, si tu peux te dépêcher un peu, s'il te plaît. Moi, j'ai une question un peu pour nos deux amis photographes, même si je les comptoie souvent. Comptoie. On est con. On est aussi au comptoir, tu vois. On est con. Il me regarde. Ah, il me regarde. T'es un peu con, toi, non? Quel est l'artiste dont vous rêvez de shooter? Mais voilà, à chaque fois on est bloqué par les contraintes. Voilà, quel est l'artiste que toi, Isa, Maurice, vous rêvez de shooter et que pour le moment ça a toujours été des refus ou des choses comme ça, quoi. Alors, on va commencer honneur aux dames par Isa. Très difficile comme question, ouais, encore une fois. Difficile. Mais récemment, au Grass Pop, j'étais très déçue de ne pas pouvoir shooter Rammstein. J'étais triste. Ouais. Autrement, globalement, je suis assez satisfaite de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. D'accord. Et toi, Maurice? Ah ouais, le choix est difficile. J'avais vu au Weekend 2007 Dimmu Borgir et à cette époque, je faisais pas encore de photos. Mmh. Et là, ouais, j'ai envie sérieusement de shooter un jour. Ouais. D'accord, donc toi, ça serait plutôt Dimmu. Ouais, ouais. D'accord. Mais à moitié seulement, hein, parce qu'ils sont un peu. Ils sont diminués. Non, mais bon, voilà, c'est. Donc là, vous en êtes au 10e numéro. 10e numéro qui est sorti. 3000 exemplaires. Est-ce qu'il y a des objectifs éventuellement que vous vous fixez? On peut parler une projection 2018-2019, soit en bimensualité, en mensualité, ou tout simplement en tirage. Est-ce que vous vous fixez un but de grappatouiller un petit peu, arriver peut-être à 5000 exemplaires, ou plutôt passer plus sur un mensuel? Voilà. Moi, je dirais déjà une chance au tirage, une chance au grattage. Donc, non, l'objectif, je pense que Maurice sera d'accord avec moi, bah, c'est la thune et les putes, quoi. Donc, lui, il veut les putes et moi, je veux la thune. Donc voilà, quoi. Donc, Isa, qu'est-ce que tu veux? Les deux, toi. Non, sans plus, commentaire. Plus sérieusement, si je dis, écoute, ça serait chouette qu'on sorte le Elzine tous les mois. Je pense que le petit cœur fragile d'Isa et ses nerfs vont lâcher et elle va piquer une crise ici, donc je vais pas dire ça. Non, voilà. Donc, on a commencé, on le sortait tous les 3 mois. Là, maintenant, depuis le début de cette année, il sort tous les 2 mois et demi. Et à partir de 2018, il sortira tous les 2 mois. D'accord. Ça peut paraître très, très peu comme changement. On se dit, ouais, c'est que 2 semaines. Mais faut pas oublier qu'on le distribue aussi, comparé à d'autres magazines qui font leur article, ils envoient leur article, et puis il y a quelqu'un qui met en page, et puis il y a quelqu'un qui distribue. Nous, on est sur tous les fronts. Donc, c'est-à-dire que quand on distribue le numéro 10, ça veut dire que le numéro 11 est déjà presque fini. Voilà, donc presque, on va dire. Allez, voilà. On sait déjà globalement ce qu'il y aura dedans. Oui. Voilà, oui. Et donc si on n'avait pas de retard, il serait fini. donc, oui, ça serait un rêve de. Je parle pas de nombre, de me dire 5000 ou. Moi, ce que j'ai envie, c'est que d'abord, on continue à satisfaire nos attentes. Les attentes de nos lecteurs qui deviennent de plus en plus nombreux, et ça nous fait plaisir. Qu'on continue à avoir des retours. Donc, On n'a pas que des retours positifs, on a des gens qui nous disent voilà, c'est super bien, mais moi je ferais peut-être ça ainsi ou ça ainsi. Les conseils, ça nous fait avancer. Voilà, on sait en fait ce que vous attendez de nous, et bah, ceux qui me connaissent bien savent que ça changera rien du tout parce que je suis têtu, mais au moins on sait vos attentes. Voilà, donc avoir 5 000, 10 000, 15 000, comme je t'ai dit tout à l'heure, si c'est pour avoir sur un numéro autant de retours parce que tel numéro n'a pas plu, voilà, c'est pas forcément notre objectif. Voilà, donc moi j'aimerais, voilà, mon objectif était que le Helsine ressemble à un magazine, à un vrai magazine, et donc je pense qu'on commence à y arriver, donc c'est-à-dire là maintenant sous ces lots avec deux CD et un poster, ben, on peut dire qu'on rivalise avec les plus gros magazines. En plus, ben, on a quand même de beaux reportages, donc avec des artistes intéressants. Donc voilà, je pense que les objectifs sont déjà atteints, mais 2000 fois par rapport à ce qu'on espérait même il y a 2 ans. Voilà, tu m'aurais dit il y a 2 ans. Dans 2 ans, t'es encore là avec un magazine et t'auras interviewé Deep Purple et Alice Cooper. Je t'aurais dit, t'es gentil. Hein. Tu rêves. Donc, c'était même pas notre intention. Donc voilà, bon, écoute, si dans 2 ans on est encore là et que on plaît toujours, voilà, et que on rencontre toujours notre public, donc nos lecteurs, parce que c'est important pour nous. Voilà, c'est important d'avoir ce retour, mais c'est aussi important de toucher des gens qui ne vont plus en concert. Voilà. Donc, c'est ça que l'accent est mis aussi dans les disquaires, dans d'autres endroits. Aussi, tout à l'heure, on demandait pourquoi les abonnements et tout. Mais comment ? Oui, je parle beaucoup. Hein. Non, c'est pas ça, je vous montrais que vous passiez là. Ah, voilà, on passe. Non, on a fait que passer d'ailleurs. Donc, toucher des gens qui ne vont plus forcément acheter de disques. Mais qui écoutent toujours autant de musique, toucher des gens qui ne vont plus en concert parce que bah, ils ont plus l'envie, plus le temps, plus l'argent, plus la motivation. Voilà, donc toucher toujours des gens différents, ça nous fait plaisir. Toucher des gens différents que notre entourage, ça, voilà. Les premières critiques qui sont venues de Suisse ou du Canada, on a des personnes en fait qui nous envoient chaque fois j'ai vu qu'il est sorti au Canada, ça sera pour quand, parce qu'il y a encore un petit décalage horaire là-bas, hein, donc donc voilà, mais tout ça c'est important pour nous. Alors le chiffre, voilà. Le chiffre, la grosseur, oui, la grosseur, c'est important pour moi, hein, tu vois. Ça, ouais, c'est... Non, ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben oui, oui, voilà, j'aime bien. Voilà, c'est pour ça qu'on a, on a mis une couverture plus épaisse, pour paraître plus costaud, quoi. Voilà. Sortez couvert. Voilà. Nous, on va s'écouter une petite nouveauté, enfin, qui n'est pas une nouveauté tellement pour vous aussi, parce que, bon, on sait que vous les recevez un peu avant. Si je vous parle de ces piques flèches avec Dante Inferno, ben, vous avez sûrement eu l'occasion d'écouter, peut-être déjà. Ah, ben tu vois, voilà. Donc on a envie de partir, on a envie de retourner chez nous et te dire, ben merde, alors, toi, tu l'as déjà eu, nous, on l'a pas encore eu. Non, il y a des choses qui se passent, voilà. Il y a des albums qu'on reçoit bien avant d'autres, et des albums où ça traîne pour avoir, et donc ces petites flèches, on n'a pas encore eu, à notre grand désespoir. Eh bien, on va s'écouter ceci, et puis on se retrouve après cela. Ben voilà, c'était le New Septic Flush avec Dante Inferno. En plus, ça me fait penser à un film Inferno que je vous conseille, franchement. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, voilà. Oui, parce qu'en plus, on est cinéphile et des fois, on se parle. Hein, Maurice, hein, il est bien, tu devrais voir celui-là. Là. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. C'est une autre histoire, comme chantait notre ami décédé, bien entendu, ex-Martin Circus. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est autre chose. Alors, là, on est en parlant du Hellzine. Vous avez des petites mines. Le Vacan d'un côté, le Locker se festin de l'autre, vous allez bientôt remettre les couverts pour un autre festival. Ma question est toute simple, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi Isa, de vouloir travailler dans le milieu du métal et pas et faire de la photo et faire des interviews? Et Maurice, pareil, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo? Parce qu'on se posait justement la question avec Sylvain, avec Valérie. On ne s'improvise pas photographe du jour au lendemain. On a peut-être une passion. Peut-être qu'un jour, tu photographiais des papillons. Puis vous avez dit, ben non, on aimerait bien photographier des chauves-souris. Et puis, c'est devenu côté un peu métal, quoi. Donc voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de ça, justement? N'importe qui peut commencer. Hein. Ouais, non, moi, c'est... Mais dans le micro, c'est peut-être mieux. Ouais. Bonjour, micro. Je vais te le tenir. Il faudrait peut-être lui tenir sa tête, là, elle est fatiguée. Là. Non, c'est une passion. Moi, j'ai toujours été dans le cinéma depuis mon jeune âge. Normalement, je devais faire carrière là-dedans. Mm-hmm. Pas pour jouer dans les films, mais justement pour tenir un complexe cinématographique. Ouais. Et j'ai pas eu vraiment la chance de le faire. Et un jour, comme je suis passionné de métal depuis maintenant 35 ans. Mmh. Je suis allé une fois à un concert et ça m'énervait. J'étais dans le public avec un petit appareil là, et je me suis dit, pourquoi pas faire de la photo Et ça a commencé comme ça. Ouais. Et quand je suis arrivé dans le Valenciennois, je partais souvent en Belgique dans les concert de métal, mm-hmm. souvent à la Louvière, je t'en ai par là. Yeah. Et j'avais un petit réflexe à l'époque et j'ai commencé à shooter et ça me plaisait. Et une fois, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, on s'est plus quitté. On s'est plus quitté. On s'est plus quitté et bah, hein, ça a été grand amour tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais. Maurice lèche très très bien, en fait. Ouais, ouais, c'est comment, c'est une grande famille, hein. Ouais. Ça a commencé comme ça. Ma femme s'appelle Maurice, ça. Mmh. Voilà. C'est la famille du méta, c'est une grande grande famille, ça je tiens en fait, à bien le dire. Je me suis fait connaître un peu partout. Je me suis fait connaître un peu partout, en Belgique. On a eu pitié de voir un mec surtout en Belgique toujours chez nous avec son appareil photo. On lui dit, écoute, allez, on va te donner un peu de taf. En fait, c'est commencé comme ça. Après, bon, bah voilà quoi. Et la passion a pris le dessus, quoi. Ouais, ouais. En fait, je viens d'apprendre quelque chose parce que quand j'ai rencontré effectivement Maurice du côté de la Louvière, il m'a dit, tu sais, moi, je fais de la photographie. Avant que je puisse marcher déjà. Madonna, je l'ai flashé plein de fois, Michael Jackson aussi, et puis et voilà. Et donc et là je viens d'apprendre, en fait c'est Pipo quoi, le mec, il avait photographié personne à part sa bite peut-être. j'étais obligé de le placer, voilà. Donc et bon, c'est un peu comme la personne qu'on avait hier en concert, hein, quand on pense que quand il est arrivé sur scène, pour arriver sur scène, il a menti à monsieur Trent Reznor, c'est monsieur Marilyn Manson, monsieur Warner, qui avait été raconté que c'était un grand journaliste, et en réalité, c'était pas du tout ça, pour pouvoir faire l'interview de monsieur Trent Reznor. Alors, on lui a accordé l'interview de monsieur Trent Reznor, donc il s'est pointé, ouais, je suis grand journaliste, et puis une fois qu'il est arrivé devant lui, il s'est vendu. Et il s'est dit, moi, mon groupe, moi, en Floride, à Fort Lauderdale, ben. Voilà, et puis il est arrivé, ben maintenant il n'en a rien à foutre de nous, hein, ça je peux vous le dire. Et toi Isa? Encore une question difficile. Bah ou, non, tu dois savoir comment t'as débuté dans la photo. Oui, hein. Je le sais, mais c'est une longue histoire. On va essayer de la synthétiser quand même. Mais j'ai commencé vers 2008 comme ça, à faire des photos de scènes locales, et de plus en plus souvent, avec ce personnage-là qui m'a embarqué un peu avec Mystica, avec ses orgas, avec... Moi, Mystica, je t'ai pas embarqué, hein. Tu nous suivais, ça nous faisait bien fait chier. Ouais, c'est ça, menteur. Mais quel menteur. Et pareil pour ce qui est interview, etc. J'ai fait mes stages avec Vincent Rappé à Metal Zone. Puis après, il y a un certain Eric qui m'a recruté pour quelques interviews. Quel connard, ce mec. Ouais, c'est un con, ce mec. Hein. Et j'ai eu mon blog entre-temps aussi. Mmh. Et oui, donc Bart m'a embarqué dans son aventure, là. Et tout s'est enchaîné, comme ça. Voilà. En tout bien, tout honneur. Non. On va pas dire que tout s'est imbriqué parce que sinon il y aura encore enchaîné. Voilà. Par contre, on peut dire que c'est une passion quand même qui est très onéreuse. Et encore une fois, c'est fait par passion. Faut pas croire qu'on est payé pour faire ça. On y va et on y va avec nos propres deniers. Si on peut avoir un sponsoring, c'est très bien. Des fois, ça marche, mais c'est tout. Si le matériel il tombe, ça tombe. Voilà. Et voilà quoi. Moi, ce que je vous propose, les amis, parce qu'il est 21h dépassé presque de 10 minutes, on a là quand même ici, vers 21h, mais c'est la balade crapuleuse. Et c'est encore une nouveauté, là je crois que vous l'avez sûrement reçu. C'est un album qui doit sortir incessamment sous peu. C'est le groupe Steel Hearts, des vieux de la vieille, qui sortent chez AFM Frontier Records. Et le titre, c'est You Got Me Twisted. J'adore ce vieux groupe. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais jeune, beau et fort. Donc ça remonte quand même, les amis. Je sais, je te le fais avant que tu me le fasses, quoi. Voilà. Je ne dis rien, moi. No comment. Et on se retrouve tout de suite après. You gotta hold on me. I can hardly breathe. Girl, you got me twisted. Girl, you got me twisted. How to love when every day I'm lost and denying this unforgiving world you gotta spin it in. And tell me where to find a little piece of my dying. Will I keep loving you over and over, over and down? Girl, you gotta hold on me. I can hardly breathe. Girl, you got me twisted. Girl, you got me twisted. And now you want more from me, but I'm too blind to see. Girl, you got me twisted. Girl, you got me twisted. We're both dying on the vine, but our love is fixated. Now here I go loving you over again. Girl, you got a hold on me. I can hardly breathe. Girl, you got me twisted. Girl, you got me twisted. And now you want more from me, but I'm too blind to see. Girl, you got me twisted. Girl, you got me twisted. Lost in the madness, I keep holding on. One taste of freedom and I'm gone. Girl, you got me twisted. You got me so twisted. And you want more from me. I'm too blind to see. Girl, you got me twisted. ben moi ce genre de choses là que j'adore, des voix comme ça et tout. Still Hurts quand même, hein, avec You Got Me Twisted. J'attends l'album avec impatience. Donc voilà, nous retrouvons autour de la table demi-ronde, chevalier de la table ronde, Brouton, voir si c'est bon. Alors, Sylval, je te laisse l'honneur de la question suivante. Oui. Il me semble aussi avoir vu sur Facebook, il me semble que dans pas longtemps, tu vas faire une ouverture de salle. Oui, tu peux nous vous voyez parce que c'est pas tu, c'est l'équipe en fait. Donc vu qu'on travaille, on travaille toujours en équipe. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste avant de répondre à ta question. C'est que beaucoup de gens disent oh, Isa fait les photos ou Maurice fait les photos ou Bart son magazine. Mais non c'est toute c'est une équipe. Histoire d'équipe, hein. C'est toute une équipe. Il y a plein de gens, personne ne savent qui ils sont. Mais sans eux, il n'y aurait pas ce magazine. Et donc ça c'est vraiment vraiment important. Si vous avez le magazine en main, vous voyez en page 3 l'ensemble des gens qui travaillent avec nous et qui voilà, je ne sais pas le dire, mais voilà. S'il n'était pas là, ben, ce magazine ne serait pas là. Donc effectivement, donc on va ouvrir notre propre cercle. Voilà, donc on reprend notre salle de spectacle café-concert dans le Hainaut, donc à Chapelle-Hérlaimont. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chapelle-Hérlaimont, c'est entre Mons et Charleroi. Dans un coin calme, parce que je sais que dans cette partie du Hainaut ou de la Belgique, on se fait waouh, Mons ou Charleroi, t'es sûr que tu veux que je vienne chez toi? Non, voilà, franchement, c'est un endroit calme où on a déjà fait pas mal de concerts en faisant des locations de salles. Et puis voilà, c'est aussi le village dans lequel j'habite et donc d'où est né pas mal de projets. Donc c'est important pour moi que ça soit à Chapelle et pas dans une grande ville. Et donc voilà, donc on va ouvrir le 1er septembre. Pour cette ouverture, on accueillera le groupe Night Train qui fait des covers de Guns N' Roses. Et la semaine après, on aura les deathcoreux de Resistance. On peut dire deathcoreux, death metaleux, des... voilà, les montois de Resistance. Voilà, donc il y a encore plein de choses sur lesquelles on est encore en train de bosser sur la programmation. Donc voilà, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours plein d'idées en tête et toujours plein de projets à développer. Et voilà, parfois on me dit dans l'équipe ouais Bart, calme-toi un peu, t'es déjà pas content avec ce que tu as là, t'exagères, attends, t'as déjà du mal à tenir en place un projet sérieusement, donc et tu te lances dans un autre. Ouais, je suis ainsi, quoi, voilà. Et donc on se lance dans une nouvelle aventure et on ne mettra pas le Helsin de côté pour ça. Voilà, donc probablement que l'équipe risque encore de s'agrandir pour pouvoir combler toutes les heures de travail qu'il y aura derrière ça, quoi. Voilà. D'accord, donc inauguration donc le 1er septembre. Le 1er septembre, vous êtes tous invités, première soirée gratuite. Donc soirée dans un bar et donc comme je vous ai dit, Night Train qui joue et puis une soirée années 80-90 rock et hard rock, quoi. D'accord. Bon programme pour nous là, pour les petits vieux comme nous. Voilà, c'est vrai. Moi j'aime bien de beaucoup parler sur le Lesine parce que je sais qu'il y a un travail phénoménal derrière. Énorme. Déjà quand nous on doit faire des reports, même pour le site ou des choses comme ça, ou même pour la radio, ça prend énormément de taf. Est-ce que vous vous donnez des nouvelles rubriques? Parce que moi je sais qu'il y a des nouvelles rubriques qui vont voir le jour dans le prochain, dans le numéro 11. Oui. Est-ce que tu peux déjà un petit peu donner un petit peu une direction de nouvelles rubriques qui vont voir le jour sans donner trop de détails éventuellement? Bon, oui, mais je vais donner du détail sans expliquer ce que c'est, ça sera encore mieux. Donc, je pense que on va pour la première fois passer du métal au plastique. Oui. Voilà, donc ça c'est déjà, pour ceux qui savent... Non, il n'y a pas d'arrière-pensée. Je sais très bien, quoi. On va pas vendre des vibros de Motorhead. On va pas faire, il y aura pas de capote. Peut-être un futur projet. Il n'y aura pas de capote. Ouais. Comme dans tous les festivals que ça se fait maintenant. Ouais, ouais. Donc. Oui, je confirme. Donc voilà, non. Il y a. À Weekend, j'en ai eu. On a. À chaque numéro, on essaye d'évoluer et donc de garder ce qui a fait nos débuts. Voilà, mais aussi apporter des touches différentes. Et donc, il y a des choses que tu sais et dont j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que je veux voir le résultat avant de lancer une pub ou quoi que ce soit. Tu vois, et mais il y a aussi beaucoup de nouveautés que tu ne sais pas encore. Oui, mais justement, c'est le charme de pouvoir feuilleter, de lire. Bien sûr. Maintenant, ma question, et là ça concerne vous, les auditeurs qui sont là au bout de la caméra ou même au bout de leurs oreilles. Enfin, s'ils sont au bout de leurs oreilles, ils ont un problème parce que bon, enfin. est-ce que s'ils ont des idées, ils peuvent toujours vous les soumettre. Vous êtes toujours vous êtes aware, comme dirait notre ami Jean-Claude. On est aware, mais je voudrais vraiment dire à tous les auditeurs français, s'il y en a, en fait, qu'il faut arrêter de nous envoyer des chèques parce que. On ne sait pas les toucher en Belgique. Donc, vos idées, ok, mais mettez des billets avec pour qu'elles soient approuvées. Je vois la tête d'Eric se décomposer et me dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de corrompre mes auditeurs. Non, oui, mais oui, on est ouvert à plein de choses. Donc, maintenant, il y a des idées qui sont très bonnes, il y a des idées qui sont réalisables et même pas tout de suite. Il faut savoir aussi que c'est un combat quotidien pour équilibrer ce papier, voilà. Donc faire un site internet, ben on a les quelques frais pour commencer et puis voilà, c'est lancé. Un magazine, ben chaque numéro doit être rentabilisé. Donc il y a le papier, là maintenant on l'a plastifié, il y a le coût du CD, il y a les envois au label, il y a voilà, donc parce que même si les labels t'envoient des MP3, ils exigent un magazine papier et pas un PDF quoi. Donc il y a l'équilibre financier qui est important et donc on se bat tout le temps et donc il y a des choses qu'on a envie de faire. Donc c'est ça que j'aime pas trop parler du numéro 11 parce que on peut tomber sur des surprises. Là ici dans ce numéro 10, il y a des choses qu'ils devaient avoir qui n'ont pas vu le jour et qui ne sont pas abandonnées mais qui sont pas prêtes tout de suite parce que voilà, donc on veut pas faire les Américains, c'est une expression que je dis souvent, pourtant je le fais un peu, mais on veut pas qu'un jour en fait on n'ait pas les moyens de suivre ce qu'on fait et qu'on doive rétrograder. Voilà, donc on veut au moins stabiliser, donc voilà, même si Isal me dit stabilise, la bordel de merde, t'as déjà vu, à chaque fois il y a 10 pages de plus, tu me fais chier. Ouais, c'est vrai. Donc, mais voilà, donc je n'aime pas parler de ce qu'il pourrait y avoir, parce que ça ne pourrait faire que des déçus s'il n'y a pas dans le prochain comme on le souhaite, voilà. Ok. Moi, je vous invite à écouter encore une petite nouveauté. Si je vous dis Too Past, c'est le nouvel album d'un groupe que j'ai déjà vu plusieurs fois, même avec Sylvain, le groupe difficile quand même à shooter aussi de par les éclairages. À mon avis, c'est fait pour aussi. Hein, c'est Enziferum qui sort un nouvel album. Et là, on va s'écouter For To The Bot, pas de rock, mais For To The Bot Fight Of Metal. C'est nouveau, c'est tout frais, c'est Enziferum. Voilà, moi je me demande toujours un peu comment leur bassiste de Hansi Ferrum fait, parce que je sais pas, il carbure à quoi, mais il a une énergie ce mec sur scène, c'est affolant. Alors voilà, je voulais un petit peu saucissonner Maurice. T'es allé au Wacken, c'était ta première Wacken peut-être ou non, deuxième. Mais je veux dire en tant que pour bosser, hein, je parle. Ah ouais, pour bosser la première, ouais. Et alors ton ressenti sur ce festival? Alors là, malgré la boue. Ouais, c'est impressionnant, surtout c'est très rush, c'est très très très dur parce que en fait c'est pas comme le Hellfest. Le Hellfest, t'arrives sur une scène, même si t'as 3-4 minutes de retard, tu passes pour shooter. Là-bas, non, là-bas, tu choisis ton groupe et si t'arrives 2 minutes en retard, tu peux plus passer. Terminé, d'accord. Donc, t'as 212 groupes, je crois, en 4 jours, c'est énorme. Et tu choisis ton programme, t'es obligé en fait. Et pour les grosses pointures, et ben là, à 10h, à 9h45, t'as un bus presse qui vient te chercher, un shuttle, et t'amène à la tente presse. Alors là, t'as une cohue, tout le monde arrive sur le bureau de presse pour demander « Ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. » C'est comme à la bourse, t'en as partout. Mm-hmm. Et si t'arrives quatrième, tu demandes à Mona Mars, Sabaton, enfin ouais. Tous les gros. Non, fini. Voilà, ça se passe comme ça. Alors ton programme, tu le fais au petit moment de la chance, quoi. Sur la journée. Mais les autres scènes, t'as deux scènes, t'as quatre scènes à l'extérieur. Ouais. T'as 4 scènes à l'extérieur et t'as 3 scènes du côté du main stage. Ceux-là, t'es obligé d'avoir des tampons pour shooter. Et pour les autres, t'as accès libre. Même si t'as pas tes règles, t'es obligé de prendre un tampon. Mais bon, voilà, t'as 200 mètres de chaque côté et t'as une boue. Mais une boue de 15 cm et tu dois traverser tout ça pour arriver à le... C'est infernal. Ce sera à refaire, tu referais le Wacken en tant que presse? Non, le Hellfest. Tu préfères le Hellfest? Oui, il est quand même plus petit. Il est plus petit que, ouais. Et tu vas changer ton pseudo alors. Quoi, quoi. On va t'appeler Hellfest. Hellfest. Wacken, c'est fini. Hellfest. Non, Wacken, si un jour vous avez l'occasion de le faire, bah, faites-le. Hein. Ouais. C'est un super festival, mais bon, voilà, il faut prévoir, c'est des bottes, ouais. Surtout des bottes. Et un canoë. Et des bottes. Ouais, le poncho, ouais. Parce qu'il pleut tout le temps. J'ai demandé à un Allemand hier, avant-hier, si vraiment il y avait un été chez eux. Enfin, il m'a pas compris, mais bon. Il a dit, non, pas été, non, summer. Non, summer. Voilà. Et... ouais, c'est énorme. C'est un truc. Un truc. Même. Mais étant de presse, tu passes pas comme ça. T'as au moins 5 checkpoints qui te. Qui t'arrêtent. Voilà, c'est en Allemagne, quoi. Ouais. Toi, sécurité, et... halt. Sécurité. Halt. Du saucisson, du halai. Wall. Et toi. Isabelle, ton festival que tu aimerais bien faire, parce que moi j'en connais qui veulent aussi partir du côté de la Slovénie. Par exemple, nous, notre rêve arrive d'en faire, c'est d'aller faire les tonnes de métal. Hein, Metal Day. Okay. Ouais. Comme je disais à mon copain Franck, que j'embrasse... Monsieur Bidou, il se reconnaîtra. Langoureusement. Ouais, Metal Day, il me posait la question, ouais, Metal Day, c'est pareil que le Wacken. Je fais, ben non, parce que apparemment ça joue l'après-midi, c'est comme le Legend of Zelda Rock. Ça joue l'après-midi et ça finit vers, enfin, Legend of Zelda, jusque 4h du matin. Enfin, voilà, bref, ça joue le soir. Parce qu'il fait tellement chaud qu'ils sont obligés de faire comme ça. Mais en Metal Day, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. C'est moins grand, quoi. Mmh. Donc toi, t'aimerais bien te faire le Metal Day. Ouais. Et toi, Isa? Pareil, parce que, enfin, des usines un peu comme Wacken et compagnie, c'est un peu stressant pour moi. Un peu stressant. Ouais. Ouais. Et oui. Bon, nous, on a nos petites idées. Hein. Voilà. Oui, maintenant, voilà. On essaye d'y travailler, d'essayer de se vendre pour aller du côté de la Jamaïque, nous faire des 70 000 tonnes. 70 000 tonnes de métal, ça, ça serait un rêve. Mais bon, on est en pour parler, mais on va tonnes, pas. Tu payes ton. Tu payes ta couchette quand même. T'arrives pas comme ça. Hein. Ouais. À moins qu'on peut peut-être dire. Même les artistes, ils. Je crois qu'ils payent. Ils payent. Hein. Ils payent. Ouais, je crois. Ils payent leur couchette. Ouais. Bah, moi, j'ai demandé si je pouvais être remorqué par un petit canoë de, en pneumatique, quoi, tu vois. Et quand il y a, je monte à Guinée-Chêne et je fais photographier. Ils m'ont dit on est en train d'étudier la chose, mon gamin. Mon gamin. Mon gamin. Allez, on va s'écouter un groupe qui s'appelle Evolution Zero. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on les aura la semaine prochaine en Phoneur. Ici, on va s'écouter Toxic Friend. C'est un groupe français. Je vous le conseille, les amis. On va se passer un titre et vous me direz ce que vous en pensez, comme ça. Voilà. Ok. Leur CD vient de sortir ? Voilà, donc on s'écoutait Evolution Zero avec Toxic Friends. Donc je vous rappelle, ils seront en phoneur ici dans le studio sur le téléphone, et ce grâce aux démarches du petit slasher qui a rencontré ce groupe et qui a fait toutes les démarches lui-même. Voilà. Ah super, je vous dis, plus tard il prendra la place de beaucoup de monde s'il continue comme ça, et tant mieux pour lui quoi. Alors justement là il y a la galette, je vous la montre comme ça hein, c'est avec donc c'est sorti sur le Elzine numéro 10, il y a celle-ci, et il y a donc le single de Drakkar que vous voyez là juste en dessous. Justement, les titres qui sont sur la compile, est-ce que c'est vous qui avez choisi ces titres ou ça a été des titres que les labels vous ont dit ben, on va vous presser cette galette avec par exemple Ordan Hogan, Sirius Black, Dunzing, Dirk Schneider, des choses comme ça. En fait, on recherchait à mettre un CD, donc tout au début j'avais envie de créer ma propre compile, donc faire la compile où on choisit nous-mêmes les titres et on travaille dessus. Voilà, je bégaye, hein, ça commence, c'est la fatigue, ouais. Désolé. Hein. Mais c'était très compliqué pour commencer parce que d'abord ben c'est de nouveau un nouveau projet, donc beaucoup de temps à passer dessus parce que mine de rien, sélectionner des groupes, avoir les droits, avoir le budget pour le faire. Donc on s'est dit, on va d'abord voir en fait si c'est réalisable de mettre un CD déjà fait en fait dans le Elzine. Et donc on a contacté la plupart des gros labels. Et aussi en fait des potes musiciens, parce que l'objectif n'était pas que de mettre de gros noms, mais mettre aussi des groupes locaux. Ça c'est vraiment notre objectif. Je m'éloigne de la question, mais là c'est important. Voilà, on n'a jamais voulu faire la différence entre démo de groupe si elle a de qualité et album sur une major. Voilà. Donc on regarde nos reviews chez nous, si la démo, bon pas la démo de titre évidemment, mais si un album autoproduit est suffisamment bon, il se retrouvera juste à côté de l'Alice Cooper si le groupe commence par A. Voilà, il n'y aura pas la rubrique démo spécial underground ou autre, on met tout ensemble. Et donc là on a fait la même démarche pour les groupes locaux que pour les labels, et donc c'était déjà prévu pour le numéro 9, et ça ne s'est pas officialisé à temps, et donc on a dû reporter au numéro 10. Et donc les demandes qu'on a eues, en fait on a eu deux demandes qui étaient faites, une pour le 9 et l'autre pour le 10, et finalement les deux se retrouvent sur le 10 quoi. Donc ça sera je pense assez exceptionnel qu'il y ait deux CD. Et donc Drakkar sortant un nouvel album trouvait une bonne opportunité que leur single soit distribué sur les festivals, voilà, parce que bon, on en a pas assez pour donner à tous les festivaliers, mais on sera quand même, ben on était là au Locker's Fest à distribuer quelques exemplaires, on le fera ce week-end à l'Alcatraz, on sera de nouveau au Méant. Et alors, là je m'éloigne, hein, je suis désolé, et le label donc ici, AFM Records, a répondu présent aussi, et ils ont répondu présent, mais ils se sont associés à un autre label qui s'appelle Drakkar Productions. Et donc là ça nous a bien fait rire en fait quand on a reçu les CD, parce que bah, finalement on reçoit deux CD de Drakkar pour un, voilà, donc on a deux CD, nos deux premiers CD ils ont le nom Drakkar dessus, ça nous a franchement fait bien rire. Et donc c'est une compile qui a été faite pour l'été, donc c'est parti de notre idée. Et donc le label s'est dit, on peut pas investir et faire une compile juste pour un seul magazine, et donc après ils ont dû se creuser pour trouver un autre magazine qui acceptait le deal, et donc finalement cette compile se retrouve sur deux magazines, et ils nous ont demandé en fait de pouvoir le faire sur d'autres numéros. Donc voilà, donc je ne sais pas comment ça ira pour je n'ai pas encore aucune confirmation pour le numéro 11 pour le CD ou pas, mais je sais que AFM Records retravaillera avec nous là-dessus, donc voilà. Eh ben, toutes des bonnes choses, c'est comme ça. Parce qu'en plus, si on regarde les titres, ben, ça fait plaisir, là. Je vois qu'Isabelle est en train de tomber de sommeil, si vous la regardez en vidéo. J'écoute attentivement. Tu écoutes, mais bon, tu te remets un petit peu. T'as bien travaillé comme Mimir aussi. Hein. Voilà, donc c'est épuisant quand même de courir comme ça et faire des photos. Tellement, elle a surtout. Tellement. Elle a surtout rien fait. On va se taire et on continue. Merci. Elle a surtout eu soif, on va dire. Elle a fait chaud. Hein. Ouais. Moi, je vous propose d'écouter un groupe qui nous vient du Japon parce que aussi Rive d'Enfer, comme vous le savez, est écouté un peu partout dans le monde et ce, grâce aussi à Internet. On remercie aussi nos internautes qui nous écoutent un peu partout dans le monde, aussi bien en Argentine, au Portugal, partout, même au Japon. Et là, on a reçu un groupe qui s'appelle Coven, qui nous vient du Japon, et on va s'écouter Brave Warrior. C'est extrait de l'album The Advent, c'est tout de suite. C'est ni bon ni mauvais. C'est, oh, joli. Mais il a vraiment mangé un clown, hein. We'll be right back. Voilà, c'est donc Covent avec Brave Warrior. C'est pas mal, c'est des japonais. Voilà. C'est pas des chevaux, quoi. C'est non, c'est des japonais. Des japonais. Justement, j'ai envie de poser la question. Ça galope, quoi. Ouh, joli. Aïsa qui était hier avec, avec toi, Bart, et Sylvain aussi, au Locker Sofesten. De votre festival, qu'est-ce que tu en retires de bien, de groupe vraiment là et de groupe vraiment très bas? Je saurais pas dire, je saurais pas classer comme ça. Tu saurais pas classer? Non, j'ai vraiment adoré. Ouais, j'ai adoré. J'ai pas vu Apocalyptica, donc je peux pas vraiment juger. Mm-hmm. Et autrement, je suis assez satisfaite de tout ce que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé Manson, excuse-moi. Ouais, non, mais chacun ses goûts, hein. Non, c'était très chouette. Et Alice Cooper, j'en ai pris plein les yeux, quoi. C'était génial. Ouais. Mmh. Et ouais, ma petite déception, c'est de pas avoir pu shooter certains groupes, dont le premier et Apocalyptica, parce que j'avais les interviews en même temps. Mais donc, ça s'équilibre un peu, quoi. Bah oui, voilà. Mmh. Et toi, Bart? Ben, c'est toujours compliqué, en fait, ça rejoint la première question. Voilà, je sais pas répondre simple, hein, voilà, ça vous aurez compris. Ça rejoint la première question. Voilà, c'est toujours des sacrifices. Et donc, on est arrivé, on voulait voir tous les groupes, elle voulait tout shooter, on voulait faire des interviews. On nous a pas laissé rentrer au parking presse, on a dû courir. Je suis arrivé tout en sueur devant les Cavaleras. Voilà, donc. Ouais, ça ne dérange pas, je crois. Hein. Non, moi ça me dérangeait, voilà, donc on a eu un échange de fluide, mais d'humidité, de la main uniquement, hein, donc, donc voilà, donc après ces courses-là, après on a, voilà, il y a les groupes qui jouent et... T'as besoin de souffler, t'as la gorge sèche depuis plus d'une demi-heure, t'as fait une interview, et voilà, et donc il y a des choses qu'on loupe parce que on doit en faire d'autres, voilà, et donc entre autres, voilà, avec les interviews de Megadeth et de Cavalera qu'on a fait hier, quand on est arrivé, enfin moi je voulais vraiment vraiment voir Megadeth. Quand je suis arrivé, c'était vraiment trop serré, trop, voilà, il y avait plus moyen de se mettre à une bonne place pour apprécier le concert, et donc j'ai dû le regarder du coin presse sur un écran, tu vois, voilà. Donc ça, c'est quand même une déception. Et je pense que si je les avais vus dans de bonnes conditions, ça aurait été mon groupe de la journée hier, voilà. Mmh. Et donc hier, j'étais vraiment content que des gens partent un peu pour Marilyn Manson. Et donc là, les conditions pour regarder le groupe étaient déjà un peu mieux que pour Alice Cooper, où là, c'était vraiment blindé, serré, désagréable. Je parle des conditions parce qu'il y avait trop de fans dans le public, quoi. Donc j'ai pas su juger le groupe à sa juste valeur, et donc je dirais, ben voilà, donc de ce que j'ai vu, Manson m'a donné vraiment une très grosse claque, quoi. D'accord, Sylvain. Bah écoute, ouais, un petit peu les mêmes critiques, trop de monde, trop serré. Il faut dire que le site est petit aussi. Il est petit, hein. Non, c'est vite serré. Je l'avais fait l'année dernière. Sinon, pour pas changer, moi j'ai bien aimé Alice Cooper, ça c'est sûr. Bon, comme je suis fan, bah voilà. J'ai trouvé que son set il était pas mal du tout, même. Il a changé quelques mises en scène du dernier concert que j'ai vu. Marilyn Manson, ouais, c'était pas mal, j'avais jamais vu, je connais pas trop bien le personnage. Mm-hmm. Enfin, tu sais, j'étais toujours sur les anciennes reprises qu'il a fait, donc. Ouais, non, j'ai pas été déçu, en gros, ça a été... Au début, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tellement un très bon son au niveau de la voix. Et après, bon, j'ai trouvé que ça s'est amélioré. J'ai mieux entendu le son de sa voix. Bah, quand t'es parti le voir au niveau du concert, après j'ai dit, bah tiens, c'est vrai que ça s'est amélioré. Est-ce qu'ils ont un peu mixé ou autre, j'en sais rien, ou amélioré la qualité de la voix. Il y a bu un coup. Ouais, voilà, ou alors il y a peut-être bu un coup entre deux, c'est vrai. Un petit whisky pour enflammer sa gorge. Mmh. Ouais, non, je sais pas, écoute, ouais, Marilyn Manson, ça m'a pas déplu. D'accord, ben voilà. toutes les avis et tout divers, c'est assez marrant quand même. Ouais, mais toi tu n'as pas donné le tien. Ouais, voilà. On l'a pu comprendre. J'ai pas encore bien compris là. Mon groupe, c'était Megadeth, ça restera une claque pour moi. Pour moi personnellement, j'ai toujours dit, je persiste et je signe. Si Dave Mustaine serait resté avec Metallica, Metallica serait autrement, musicalement, personnellement. Ils seraient tous morts en fait, ils se seraient tués. Ils se seraient peut-être tués, mais c'est un mec, qui, c'est un putain de gratteux quoi. Dave Mustaine, c'est un putain de gratteux. Ça se voit, ça s'entend à son jeu. Et j'adore les partages qu'il arrive à faire en solo, comme il arrivait à le faire aussi avec Al Petrilli, avec Marty Friedman. Donc il nous l'a encore prouvé. Et quand Père Mustaine est de très bonne humeur, ça coule tout seul. Il rate, il se plante une ou deux fois. Il vaut mieux pas le faire chier parce que c'est un mauvais caractère, mais c'est un mec super, super humain. Ma deuxième claque, ça a été Monsieur Furnier, donc Alice Cooper. Ma déception, bon, moi ça reste Apocalyptica. C'est peut-être le son de la contrebasse qui, c'est dur quand même pour moi. Et alors l'intro de Marilyn Manson, un quart d'heure pour entendre des bruits d'animaux ou quoi. Merci, arrive sur scène et joue mon ami, hein. Remplis pas la scène de fumigène pour nous faire chier avec avec tes photos et joue quoi. Déjà tu joues 1h10, tu fais une intro de 15 minutes, c'est vraiment un peu prendre les gens pour des canards sauvages quoi. Voilà. Mais non, il avait demandé des toilettes à 22 degrés, et elles étaient pas à température, ouais. Donc. Mais figure-toi, il savait pas faire caca. C'est ce qu'il avait fait à Alcatraz il y a 3 ans. Il y avait Isabelle qui était là. Mm-hmm. Si tu te souviens, on a même pas eu l'occasion de part. Des circonstances un peu hasardeuses, pouvoir le shooter. Et il avait commandé une loge chauffée à 17 degrés et il avait été faire chercher des sushis à Anvers, mais à une telle boutique qu'il ne voulait pas autre part. Donc le mec avait dû aller chercher des sushis à Anvers pour se retaper courtrait par après. Et pour faire même pas aller 50 mètres, il avait fait venir une limousine pour se faire apporter jusque la scène. Quoi. Bon, qu'on arrête quand même de se faire rire. Quoi. Quand tu vois des mecs comme Cavalera, quand tu vois les mecs comme Kiko qui sont dans le pit, qui sont en train de regarder Alice Cooper ou quoi, bah, chapeau bas les amis, quoi. Vous êtes là à côté de votre public et vous partagez un moment avec votre public, ça c'est vraiment reconnaissant. C'est vrai que c'est pas les cavaleras qui vont envoyer une limousine pour chercher un pantalon propre. Hein. Ils sont à l'aise. Hein. Non mais c'est pratiquement beaucoup, on a vu les Steel Panthers, c'était exactement pareil. Alice, il a dû prendre toute sa marmaille avec ses musiciens et tout ça. C'est un peu compréhensible parce qu'il est costumé, il va pas gâcher la surprise. Mais voilà quoi. Je trouve ça un peu quand même arracher le sac, surtout que le côté VIP où on était, il y a pratiquement personne qui se promène, donc. Ah, ça c'est pas si vrai. Hein. Bah du côté par où les montées des artistes, pas par le côté VIP. Moi je te parle par l'autre côté. Ouais, hein. Le côté presse, oui. Ben non, pas le côté presse, justement de l'autre côté. Mm-hmm. Côté où il y a le petit canal où tu peux remonter en canoë. Ah non, je vois pas. Ah ben voilà. Non, je vois pas. Et ben de ce côté-là, il y a pratiquement personne. C'est où il y a l'écart de caméra et tout ça. Mm-hmm. Il y a très peu de monde. Ben pour te dire, même l'autre fois dernière, le slasher s'est trompé. Il est rentré, il s'est retrouvé dans le bus de la télévision. Quoi. Il se demandait ce qu'il foutait là. Quoi. Non, voilà. Mais bon, vraiment, ma coup de claque, ça a été. D'ailleurs, ça m'a donné peut-être envie d'aller voir Alice à Danes. Mmh. Ouais, c'est un beau show. Mmh. Parce que c'est un show, comme on dit, à regarder en profondeur, de loin, pour voir vraiment toute la scène et pas c'est de côté. Pas, quoi. C'est pas Alice Cooper ? Si. Tu dis Alice and Dance, je pense. Alice and Dance, non, mais Alice Dancing, je sais pas. Alice au Pays des Merveilles aussi. Ah oui. Ouais, mais bon, voilà. On va s'écouter juste encore un titre avant de se dire au revoir, les amis, parce que malheureusement, on le retourne. Ouais. Et on va s'écouter Sweet, Michael Sweet. Je sais pas si vous connaissez Sweet, ex-Striper, les frères Sweet. Et ils ont reformé un groupe avec George Lynch, ex-Dokken. Et l'album va arriver incessamment sous peu aussi, c'est Promised Land. Two bending times we apply. Une bonne claque à toutes les bonnes oreilles, comme on dit. Hein. C'était bien entendu Sweet and Lynch, Promiseland. Là, les amis, il est bientôt l'heure de se quitter. Je vais vous laisser le mot de la fin à toutes et à tous. On va commencer par les dames. Donc, on va commencer par Isa. Mm-hmm. Eh bien, merci beaucoup pour ton accueil et ta sympathie. Notre accueil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup pour tout. Merci. C'est chouette. Bah, une personne qui est restée dans l'ombre, mais bon, on sait que c'est la chauffeur de Maurice parce qu'il est fatigué. Voilà, donc Céline, ben un petit merci, ça ferait plaisir. Voilà. Ah, merci, ouais, merci et bonsoir à tous. Ce fut court, mais bref. Ouais. Alors, on va laisser Bart en dernier parce qu'il parle beaucoup. Maurice. Ouais, ben merci de votre accueil, hein. C'était chouette. Pour la première. Pour la première, voilà. Oui, pour la première, il va voir. Et la dernière. Non, parce qu'on s'est arrangé. On s'est arrangé, mais Bart, il ne te l'a pas encore annoncé. Tu viendras promouvoir les in quand ils sortiront à chaque fois. Ah, bon plan, ça. Bah, c'est ça, c'est. Voilà, on est en partenariat, on le fait bien. Voilà. Mm-hmm. Bart. C'est un partenariat d'enfer. Mais excuse-moi, on est en Belgique ici. Oui. Moi, je suis la France. Ouais, mais bon, tu fais 100 mètres à Tourcoing. Voilà. Ouais. Bart. Ben Bart, c'est moi, effectivement. Donc désolé pour tous ceux que j'ai saoulés avec mes longues paroles, mes longues phrases qui ne veulent parfois rien dire. Et j'ai juste envie de dire merci pour l'accueil. Et pour ceux qui veulent nous suivre, elzine.be, donc elle, pas comme l'inverse de lui, mais H-E-2-L, elzine.be. Et j'ai envie de dire que le premier qui nous contactera via le site se verra offrir l'abonnement 2018. Donc qui comprendra le numéro 10 que j'ai dans les mains, le numéro 11 et tous ceux qui sortiront en 2018. Mmh. Voilà, ça sera offert et ça sera facturé à Rives d'Enfer. Voilà. Et on peut mettre la question tout simplement. La personne, on va mettre ton lien comme ça les gens pourront te contacter, quoi. Oui, ok. Mais sinon c'est elzine.be. Voilà. Sylvain, il est bientôt l'heure de se quitter. Eh oui, il est bientôt l'heure. Malheureusement, ça passe très vite. Ouais. Voilà. Une petite soirée. Une petite soirée. Hein. Voilà. Et on se retrouve nous la semaine prochaine avec Double Evolution Zero en interview. Le slasher sera de retour. Mm-hmm. Le comeback du slasher. Et on retrouvera la Sylvain Song. Beaucoup d'autres choses. On va se quitter avec French Killer. Avec Parallel Kingdom. C'est sorti sur le titre éponyme aussi, Parallel Kingdom. Ciao et merci les amis. Bye. Salut. Bye. Ciao.